Prononciation. E, E, O. Page 99. Activité 1. Écoutez les différences. E comme faire. E comme sœur. O comme encore.